Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. S'il doit vivre pour vivre et n'être qu'un passant, et s'il n'est pas poète et s'il n'a pas d'argent, il risque de pleurer plus souvent qu'à son tour et de nous reprocher à jamais notre amour. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Et puis nous n'avons rien en plus de notre amour qu'une rue sans soleil et fenêtre sur cour. Si le coin le plus sombre est une chambre d'enfant, il grandira dans l'ombre, à l'ombre des vivants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Et si un jour peut-être, nous écartant de tout, il devenait sans cesse un prétexte entre nous, je ne saurais pas lui dire que je ne t'aime plus. Je ne saurais pas lui dire qu'il ne me verra plus. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Ces mots je les ai dit et répétés 100 fois. Ces mots je les ai crus, j'avais peur quelquefois qu'ils ne volent à jamais ce qui nous appartient. Mais quand l'enfant paraît, je crois qu'on l'aime bien.